Mes frères et sœurs, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec plaisir que je vais partager avec vous cette petite exhortation. Vous savez très bien que nous sommes dans les temps de la fin et je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui tremble, qui n'a plus de paix du tout parce qu'il sait que son heure approche. Je voudrais parler du diable parce qu'il sait que bientôt il sera dans le lac de feu. Donc, il essaye d'attaquer l'œuvre de Dieu par la ruse. Il organise des plans, n'est-ce pas, des réunions pour attaquer l'œuvre de Dieu. Mais il est vaincu. Qu'est-ce que vous allez remarquer dans ces derniers temps? Bien-aimés, nous savons tous que lorsque Jésus, avant de partir, il va dire quelque chose aux disciples. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce qu'il a dit. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais vous allez remarquer, bien aimé, ayez le discernement. Satan pousse beaucoup de personnes, soi-disant hommes de Dieu, à annoncer à toute la création la loi. Ils annoncent la loi à toute la création. Jésus a dit la bonne nouvelle et non la loi. Ce n'est pas la même chose. Satan sait ce qu'il fait. Parce que vous allez remarquer que dans la bonne nouvelle, dans la nouvelle alliance, on parle de la défaite du diable. Satan n'aime pas qu'on en parle. C'est pourquoi Satan se sent à l'aise. Dans l'Ancien Testament, quand on prêche la loi, là, il est à l'aise là-bas. Je voudrais que vous sachiez, mes bien-aimés, aucun prophète n'a vaincu Satan. Personne. C'est Jésus qui a vaincu le diable. Et le diable le sait. C'est pourquoi il n'aime pas trop qu'on prêche sur la bonne nouvelle. Il n'aime pas trop qu'on parle de la nouvelle alliance. Il préfère l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, il faisait comme il voulait. Le diable régnait sur terre. C'est Jésus qui est venu mettre fin à son règne. C'est Jésus qui l'a tabassé. C'est Jésus qui l'a vaincu et arraché. Il a arraché des mains du diable les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que c'est Satan qui gérait tout. Avant que Jésus n'arrive, Satan pouvait décider, il appelle ses démons. Démons d'alcool, oui chef, je voudrais que vous fassiez de cette personne une alcoolique. D'accord. Démon de prostitution, oui. Rendez-moi cette femme prostituée à vos ordres, chef. Démon de violence, oui. Je veux que cet homme soit un assassin. Allez-y. Je veux que cet homme connaisse adultère par adultère. À tes ordres, chef. Satan régnait. Voilà que Dieu, voyant que tous les hommes étaient déjà condamnés, car il est écrit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Et la Bible dit, quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Vous vous rendez compte, l'homme ne peut pas de lui-même s'en sortir. Satan le sait. Mais il pousse les hommes à prêcher que sur la loi. Et pas la bonne nouvelle. Jésus n'a jamais dit annoncer à toute la création la loi. Il a dit annoncer la bonne nouvelle. Ô Seigneur, que toute la gloire te revienne. Mais le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient en bonne relation avec Dieu. Le diable est venu. Adam et Ève sont tombés dans le péché. C'est alors que Satan va commencer à régner sur les hommes. Parce que ce qui donne le plein droit au diable de dominer sur toi, c'est le péché. Tant que tu pèches, il a le pouvoir sur toi. C'est pourquoi il dominait sur tous les hommes. Il pouvait faire de toi un clochard. Il pouvait faire de toi une prostituée. Il pouvait faire de toi un criminel. Il pouvait faire de toi un voleur. Il suffit qu'il donne un ordre aux démons de vol. Rendez-moi cet homme voleur. Oui, chef. Le diable régnait tranquillement. Et voilà que quelqu'un arrive. Le Fils de Dieu. Satan regarde comme ça. Il dit, mais celui-là, il marche dans la droiture. Celui-là est pur, il est saint. Comment faire pour le dominer? Parce que Dieu a vu que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que Dieu a créé les temps de feu, l'enfer, où Satan et ses démons, ce n'était pas pour les hommes. Satan dit, ok, moi je n'irai pas seul. Il entraîne les hommes dans le péché. Et il règne sur les hommes. Il régnait. Il pouvait bomber le torse. C'est moi le patron ici. Il faisait de l'homme tout ce qu'il voulait. C'est alors que Dieu envoie son fils. Dans sa sagesse, Jésus-Christ est venu. Il nous a dit, c'est moi le Messie. Je suis le Messie. Les prophètes vous ont parlé d'un sauveur qui devait venir. Je le suis. Suivez-moi, c'est moi le chemin. Écoutez-moi, parce que ma parole est esprit et vie. C'est par ma parole que vous pouvez avoir la vie. Venez à moi. Et quand le diable a vu qu'il est en train de parler de ces choses, Satan a dit, celui-là, je vais le contrôler, je vais essayer un peu de voir, l'espionner, voir tout ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'un jour, il a remarqué que Jésus est dans un désert. Il remarque 1, 2, 3, 4, 5 jours, jusqu'à 40 jours. Je ne l'ai pas vu manger. Je ne l'ai même pas vu boire de l'eau. Je suis sûr que pour avoir ce monsieur-là, il faut que je passe par la nourriture. C'est sûr qu'après 40 jours, il a faim. Il a faim, c'est sûr que si je passe par la bouffe, je l'aurai. Et vous connaissez l'histoire. Jésus l'a tenu tête. Parce que Jésus n'est pas une créature. Jésus est le créateur. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Jésus est la parole de Dieu. Satan a oublié qu'il n'était qu'une simple créature. Et jamais une créature sera égale au créateur. Jamais. Jésus-Christ est Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Vous connaissez, quand le diable a vu échec sur échec, il a dit, celui-là, comme je ne peux pas l'avoir, comme il parle vérité, comme il marche dans la droiture, dans la sainteté, la seule solution qui reste, c'est qu'on le tue. Il meurt. C'est alors qu'il va remplir les cœurs des hommes de la haine. On va haïr Jésus sans raison, sans raison. Lorsqu'on l'amène chez Pilate, Pilate dit, ok, vous voulez qu'il meure, qu'on le tue. Qu'est-ce qu'il a fait? Crucifie! Personne n'a levé le doigt. Il mérite la mort. Il m'a volé un régime de bananes. Il mérite la mort. Celui qui a pris ma voiture hier, il mérite la mort. Je l'ai vu casser ma maison. Il mérite la mort. Parce que je l'ai vu insulter mon père. Il n'y avait pas de motif. Pilate, il a fait quoi? Crucifie! Ok, mais il a fait quoi? Pas de motif. Satan a mis la haine dans leur cœur. Satan a dit, comme je suis celui-là, ne tombe pas dans le péché. Il risque de me déranger parce que sur terre ici, tout le monde fait des courbettes devant moi. Mais comme lui, il me résiste. Pour éviter qu'il me mette des bâtons dans les roues, la seule solution, c'est qu'il meure. Pilate dit, qu'est-ce qu'il a fait? Crucifie. Pilate dit, moi je ne vois pas le motif, je ne vois rien de mal en lui. Moi, je lave mes mains. Comme vous voulez, sa mort. Moi, je ne suis pas dedans. Je lave les mains. Son crime là, son sang là, je ne suis pas dedans. C'est votre affaire. Crucifie, crucifie. Vous connaissez l'histoire. Et Jésus est allé au séjour des morts. Il est allé même prêcher aux personnes qui étaient au séjour des morts. Après 3 jours, le bien-aimé est sorti. Le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. La Bible nous dit, il est assis sur un trône et que son règne n'aura point de fin. Oh, pitié pour toi, toi qui es ennemi de Jésus. Comment tu peux être ennemi de quelqu'un qui est assis sur un trône avec un règne qui n'aura point de fin? Tu peux être contre un chef d'État, d'accord? Mais il a un mandat de 5 ans ou de 10 ans, mais un jour il partira. Mais être ennemi de celui qui est assis sur un trône pour l'éternité, son mandat est à vie. Et comme il vit éternellement, c'est un mandat sans fin. Il est mieux que tu sois avec lui. C'est un Dieu d'amour. Il est venu à la croix parce qu'il veut que tu sois sauvé. C'est pourquoi il a dit annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Les hommes ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Parce que j'ai tout accompli pour le monde, pour les hommes. Annoncer seulement la bonne nouvelle à ces personnes-là. Satan dit non, annoncez la loi. Méfiez-vous. Tout le monde, tout enfant de Dieu, il nous arrive de prêcher la parole, d'aller chercher de temps en temps certains passages dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien de mal à ça. Même Jésus l'a fait. Mais méfiez-vous des personnes qui ne prêchent que sur la loi, que sur la loi, que sur la loi, que sur la loi. Ézéchiel a dit, Jérémie a dit, Moïse a dit, Malachie a dit, ils sont que dans l'Ancien Testament. Satan n'aime pas qu'on parle du nouveau. Satan n'aime pas qu'on parle de la bonne nouvelle. Parce que le nouveau parle de sa défaite. Le nouveau nous dit qu'à la croix, Jésus l'a vaincu. On parle de ça là, dans la bonne nouvelle. Et Satan déteste, il ne veut pas qu'on en parle. C'est pourquoi il a inspiré certaines personnes qui ne parlent que de la loi. Ils font le tour du monde, ils ne sont que dans la loi. Bien-aimés, soyons vigilants. Il a fallu que Jésus arrive pour que Satan soit vaincu. Je vais lire dans Romains chapitre 10, verset 5. Voici comment Moïse définit la justice qui vient de la loi. Moïse dit, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est celui qui met la loi en pratique qui vivra, qui aura la vie. Or, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la même Bible dit, celui qui met la loi en pratique et qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Vous comprenez alors pourquoi il est impossible à un homme d'être sauvé par la loi. C'est impossible. Parce que tu n'as jamais menti. Mais tu as volé un jour. Tu n'as jamais volé. Tu as eu la haine un jour. Tu n'as jamais eu la haine. Tu as tué un jour. En tout cas, il y a quelque chose dans la loi que tu as déjà fait un jour. Si tu es honnête avec toi-même. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a regardé les hommes, il a vu que tous avaient péché et que tous étaient privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention. Qu'on vous prêche la bonne nouvelle. C'est une ruse du diable. Il ne prêche que sur la loi. Mais la loi dit, celui qui met la loi en pratique vivra par elle. Oh, personne ne peut être sauvé par la loi. La Bible dit dans Galates chapitre 3, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ va devenir malédiction pour moi. Pourquoi? Parce qu'il va porter en lui mes iniquités, mes souillures, mes péchés. C'est à ce moment-là que la liaison spirituelle qu'il y avait entre lui et son Père est coupée. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que le péché étant devenu malédiction, c'est ce que la Bible dit, pour moi, Dieu n'a pas de contact avec la souillure. Dieu n'a pas changé. Dans le jardin d'Éden, avant qu'Adam et Ève ne tombent dans le péché, la communion était là. Mais quand ils sont tombés dans le péché, la relation a été coupée. Parce que Dieu n'a pas de relation de contact avec la souillure, avec l'iniquité. C'est pourquoi Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, il a déjà pris sur lui toutes mes iniquités, toutes mes souillures. Il est devenu malédiction. C'est ce que la Bible dit. Pour payer pour moi, afin que je sois sauvé par grâce. C'est ça la bonne nouvelle. Je vous prends un exemple. D'accord? Vous avez devant vous un océan. De l'autre côté, le royaume de Dieu, Jésus est là. Et Jésus vous dit, chacun, un à un, vous allez plonger pour venir ici. Tu nages. Et puis à un moment donné, tu vas commencer à boire de l'eau. Tu ne peux pas traverser. Tu vas commencer à boire de l'eau. Chacun à son tour. Il y a des personnes qui vont commencer à boire de l'eau à 100 mètres du bord de mer. D'autres vont commencer, des personnes endurantes vont commencer à boire de l'eau peut-être à 500 mètres, les grands nageurs. C'est un exemple, je ne suis que dans un exemple. Mais quand Jésus, voyant que les hommes ne peuvent pas, il vient nous trouver, il dit, ok, mon fils, ma fille, allez, montez sur mon dos. Jésus lui-même, il traverse pour nous. Nous, on ne fournit plus d'efforts. On est là que sur lui. Et c'est lui qui nous amène de l'autre côté. Quand on arrive de l'autre côté, on fait quoi? Merci Seigneur, on danse. Parce que par nous-mêmes, c'était impossible. Oh Jésus, merci, gloire à Dieu, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous devons adorer et louer le Seigneur, parce qu'il a fait pour nous ce que nous-mêmes, on était incapables, on ne pouvait pas faire. C'est ça la bonne nouvelle. Oh, vous, habitants de la terre, par vous-même, vous ne pouvez pas. Personne ne peut être sauvé par la loi, parce que le péché est en vous. C'est pourquoi devant la loi, vous êtes impuissants, vous ne pouvez rien. Parce que le péché est vous, c'est dans votre sang. Vous êtes des pécheurs, vous êtes nés même pécheurs, c'est dans le sang. Voilà comment Jésus nous sauve. Bien-aimés, remercions le Seigneur. La Bible dit toujours dans Galates, chapitre 3, verset 23, « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi est comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est tout. C'est comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Jésus n'a pas aboli la loi parce que c'est comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est tout. Pas parce qu'on peut être sauvé par la loi. Pas parce qu'on doit mettre la loi en pratique pour avoir le salut. Non, la Bible dit, ce n'est que comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est ça son rôle. C'est pourquoi Jésus ne l'a pas aboli. C'est la loi. La loi est comme un pédagogue. Juste pour nous conduire à Christ. C'est tout. Pas pour qu'on la pratique pour être sauvé par la loi. Non! Attention à ce qui vous est prêché. Attention à ces fanatiques que Satan a envoyés dans l'église pour prêcher la loi. Alors que Jésus veut que la bonne nouvelle soit prêchée dans l'église. Mais eux sont dans l'église pour prêcher la loi. Jésus n'a jamais dit « Faites le tour du monde, annoncez la loi. » Il a dit « Annoncez la bonne nouvelle. » Vous avez dans l'église aujourd'hui des prédicateurs envoyés par le diable pour prêcher la loi. Et vous avez les prédicateurs qui viennent de Jésus pour prêcher la bonne nouvelle. Vous allez voir, les fanatiques de Satan ne sont que dans la loi. Jérémie dit ça. Amos a dit. Ézéchiel a dit. Exode dit. Ils sont que là-bas. Ils nous fatiguent les oreilles que par que la loi, la loi, la loi. La Bible dit, la loi est comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, c'est tout. Pas pour qu'on soit sauvé par la loi. Et la Bible dit au verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. On n'est plus là. Pourquoi vous nous fatiguez les oreilles avec la loi? Jésus ne l'a pas aboli parce que la loi est comme un pédagogue qui nous conduit à Christ. C'est ce que la Bible dit. C'est juste ça. Ça me conduit à Christ. Pourquoi faire? Comme la loi est comme un pédagogue qui me conduit à Christ. Quand j'arrive à Christ, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je suis déjà mort par mes iniquités. Je sais que sans toi, j'irai cramer dans le lac de feu. Il n'y a que toi qui peux me sauver là, Jésus. Je reconnais que je suis pécheur, s'il te plaît. Pardonne-moi, mon Dieu, pardonne-moi. Change-moi. Viens dans mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel, Seigneur Jésus. Sans toi, je suis perdu. Aie pitié de moi, fils de Dieu. La loi est comme un pédagogue juste pour me conduire à Christ. Et lorsque j'arrive devant Christ, qui est le Sauveur, c'est Christ qui a dit... Toi qui es chargé et fatigué, viens, c'est moi le Messie, viens. Tu as des problèmes de santé, viens à moi. Tu es envoûté par la sorcellerie, viens. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au ciel vers mon Père autrement. Si tu me rates, tu es fini pour l'éternité. Parce qu'il n'y aura pas un deuxième Messie. Il n'y aura pas un deuxième envoyé. Je suis le seul intermédiaire entre vous, les habitants de la terre, et Dieu. Personne d'autre, aucun autre intermédiaire. Si tu me mets de côté, tu es perdu. Il n'y aura pas un deuxième Messie. Je suis le seul Messie. Je suis le seul Fils de Dieu envoyé. Personne d'autre ne viendra. Je suis le seul. Je suis le chemin. Je suis la porte. Je suis la résurrection et la vie. Si tu me rates, tu as raté la vie. Si tu m'ignores, tu es perdu pour l'éternité. Parce qu'il n'y aura pas une autre personne. Il n'y aura pas un deuxième Messie. Je suis le seul. Celui qui rejette Jésus, tu as choisi toi-même la mort. Il n'y aura pas un deuxième Messie. Dieu te tend la main aujourd'hui, mais il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Cette main ne restera pas là éternellement tendue. À un moment donné, Dieu va la retirer. C'est pourquoi il ne faut pas jouer au Dieu. Parce que tu ne connais pas ton jour. Pendant que Jésus te tend la main, pendant que Jésus t'appelle, viens à moi. Tu es en train de faire tes études, de construire ta maison, de programmer ta vie. Ce n'est pas mauvais, mais viens à moi. Viens à moi. C'est moi qui assure l'essentiel, le plus important pour ta vie. Le salut de ton âme, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Le salut de ton âme, c'est moi. Parce qu'après ta mort, ton âme aura deux destinations. Soit chez moi, soit dans le feu. Les choses que tu fais sur terre, tu vas les abandonner un jour. C'est moi, Jésus, qui peux assurer ton avenir dans un monde merveilleux, dans mon pays, le ciel. Je suis la porte pour aller là-bas. La bonne nouvelle, c'est ça. Satan a poussé, je vous dis, le diable est rusé. Il a poussé dans les assemblées des gens qui prêchent la loi, alors que Jésus a demandé de prêcher la bonne nouvelle. Regardez, écoutez bien. Ton papa pasteur, est-ce qu'il prêche la bonne nouvelle? Ou bien tout le temps, c'est un Exode, Ézéchiel, Jérémie, Amos. Que dans l'Ancien Testament, tout le temps, c'est pas mauvais d'aller prendre des passages dans l'Ancien Testament. Mais si on est tout le temps que dans l'Ancien Testament, on est en train de prêcher la loi. Jésus n'a pas aboli la loi. Parce que la loi est comme un pédagogue qui nous conduit à Christ. C'est pourquoi il ne l'a pas aboli. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Pas parce qu'on pouvait être sauvé par la loi. Juste parce que c'est comme un pédagogue qui nous conduit à lui. C'est pourquoi il ne l'a pas aboli. C'est ce que la Bible dit. Jésus n'a pas laissé la loi. Jésus ne dit pas, je n'abolis pas la loi pour que nous pratiquions la loi. Non! C'est juste parce que la loi est comme un pédagogue qui permet à l'homme d'aller vers Jésus. C'est ce que la Bible dit. C'est la Bible qui est la vérité. Pas vos pensées, pas votre imagination, pas vos points de vue. Ton point de vue n'est pas la vérité, c'est la Bible qui est la vérité. C'est la Bible qui est la vérité. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne, bien-aimé. Faites très attention à cet évangile aujourd'hui. Ayez le discernement. Satan déteste la bonne nouvelle. Avant que Jésus n'arrive sur terre, le diable régnait. Il était dans la joie. Souvenez-vous ce que Satan a dit lorsqu'il était dans le ciel. Allez lire Ézéchiel. Il a dit, moi aussi je veux être semblable au Très-Haut. Moi aussi je veux m'asseoir sur un trône très élevé. Moi aussi je veux être égal à Dieu. Les hommes vont m'adorer. Je serai sur un trône et il y aura des adorateurs. C'est pourquoi il a été jeté de là-bas, on l'a jeté sur terre. Il a dit, moi, il faut que je sois égal à Dieu. Et certains anges l'ont suivi dans cette folie. Quand il arrive sur terre, il a dit, le couple là, dans Ève, si je réussis à les foutre dans le péché, toutes leurs descendants seront à moi. Et je pourrai régner sur eux. Comme j'ai raté le règne au ciel, je vais régner sur les hommes. Mais il était patron sur terre. Et il le dit à Jésus. Lorsqu'il vient trouver Jésus dans le désert, qu'est-ce qu'il dit? Il lui montre les royaumes. La gloire, tout ce qui est sur la terre. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est à moi, je les donne à qui je veux. C'est moi qui décide. Je les donne à qui je veux. Si tu fais des courbettes devant moi, je te les donne. Parce que c'est moi le patron ici. Le diable est régné sur terre. Donc pendant la période, aucun prophète n'a vaincu Satan. C'est Jésus qui a vaincu Satan, pas un prophète. À l'époque des prophètes, Satan était là. Le torse bombé, Satan faisait la loi. Il a fallu que Jésus arrive pour le tabasser. C'est Jésus qui l'a vaincu. Ce n'est pas un prophète qui a vaincu Satan. Aucun prophète n'a vaincu Satan. Pourquoi on vous fatigue les oreilles de la loi? Jésus n'a pas aboli la loi. Parce que la loi est comme un pédagogue qui nous conduit à Christ. C'est juste pour ça, rien que pour ça. Pas pour qu'on la mette en pratique pour être sauvé par la loi. Non! C'est pourquoi il ne l'a pas aboli. C'est comme un pédagogue, juste pour qu'on aille à Christ, c'est tout, c'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, c'est ce que la Bible dit. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Je vais relire Galates chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Pourquoi vous nous fatiguez les oreilles avec la loi? Pourquoi nous ne sommes plus sous ce pédagogue? Ce pédagogue était juste pour nous conduire à Christ. Pourquoi vous nous fatiguez encore les oreilles avec ça? Ça, c'est le diable qui donne cet enseignement. C'est Satan. Satan sait que personne ne peut être sauvé par la loi. Et c'est pourquoi il pousse ses agents à enseigner la loi. Il ne veut pas qu'on enseigne la grâce. Il veut qu'on enseigne la loi. Et beaucoup sont dedans. Regardez bien dans les assemblées. Beaucoup sont inspirés du diable. Ils ne parlent que de la loi. Alors que Satan sait que personne ne peut être sauvé par la loi. Jésus a dit, annoncez la bonne nouvelle. Ils n'ont jamais dit annoncer la loi au monde entier. Bien-aimés, soyons vigilants. Nous sommes dans les temps de la fin. Satan est vaincu. Je bénis le Seigneur parce que Jésus a dit, mes brebis, je les connais. Elles entendent ma voix. Quand je les appelle, elles répondent, elles viennent vers moi. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Merci Jésus, ça me donne la paix que quelles que soient les salades, quelles que soient les mensonges du diable, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton église. Parce que tu es roi des rois, parce que tu es seigneur des seigneurs, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu as vaincu le diable, parce que tu as vaincu les dominations et les autorités, parce que tu les as livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ô Jésus, parce que ton règne n'a point de fin, réjouissons-nous. Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Allons vers le Seigneur dans la paix et dans la joie. Maintenant que tu es sauvé, mon frère, ma soeur, par grâce, la Bible dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous. Notre témoignage. Regarde le témoignage de Jésus. Un témoignage propre. N'est-ce pas? Jésus-Christ a glorifié son Père par son témoignage et par ses paroles. Mais la Bible dit que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nos mauvaises œuvres, de notre mauvaise conduite. Quand tu es maintenant enfant de Dieu par grâce, d'accord? Est un bon témoignage. Glorifie Dieu par ton témoignage. Ma soeur, tu n'es pas une mondaine, tu es la fille du Dieu Tout-Puissant. Mon frère, tu n'es plus mondain, tu es devenu fils de Dieu. Il faudrait que ton témoignage prouve aux gens, prouve aux païens que tu es fils de Dieu. Il faudrait que lorsque les païens de ton quartier, de ton village te voient, qu'ils puissent dire, ah, le gars là, il est différent des autres mecs là. Il n'est pas comme les autres. Le gars là est différent. Il faudrait que ma soeur, quand tu es au milieu des filles païennes, que les gens puissent se dire, ah, elle est différente des autres, elle ne fait pas comme les autres. Ça doit être visible. Le témoignage de Jésus, le comportement de Jésus, on ne pouvait pas confondre Jésus à une autre personne à cause de son témoignage. Et toi, tu dois défendre ton témoignage parce que tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas du monde, tu n'es pas mondain. Tu appartiens au Très-Haut. Tu es sur la terre juste pour faire sa volonté. Laisse les païens faire leur chose. Toi, tu n'es pas dans le monde. Tu dois prier, papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Parce que le Père veut que tu fasses quelque chose. C'est pourquoi il te donne le souffle de vie. Pas pour faire les choses du monde. Toi, tu n'es pas du monde. Pourquoi tu vas lutter? Tu vas perdre ton énergie pour faire les choses du monde? Est-ce que tu es du monde? Dieu t'a dit, sors du monde. Mon fils, sors. Mon fils, tu n'es pas mondain, sors du monde. Ma fille, sors du monde. Tu n'es pas du monde. Tu m'appartiens. Prie pour que je te dise ce que tu as à faire. Parce que j'ai un plan pour toi. C'est juste ça. C'est pourquoi nous sommes ici. Il nous donne le souffle de vie juste pour ça. C'est pour accomplir sa volonté. Il a dit à Jérémie, Jérémie, bon, c'est vrai, tu ne le sais pas, mais moi, je t'informe que avant même que ta mère tombe enceinte de toi, moi, je te connaissais. Et j'avais déjà planifié tout. Voilà, tu es né sur terre pour accomplir ma volonté. Voilà, Jérémie. Et chacun de nous, Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas du monde. C'est pourquoi il t'a dit de sortir du monde. Il ne faut pas suivre les païens. Toi, tu n'es pas du monde. Pourquoi tu les suis? Ma soeur, pourquoi tu veux faire comme les filles du monde? Pourquoi tu veux t'habiller comme les filles du monde? Toi, tu n'es pas du monde. Mon frère, pourquoi tu veux faire des choses comme les mondains? Toi, tu n'es pas du monde. Tu n'es pas du monde. Ne suis pas tes amis païens. Toi, tu n'es pas du monde. Eux sont du monde. Pourquoi tu veux faire comme eux? Est-ce que tu es du monde? Tu es fils de Dieu. Réjouis-toi. Et glorifie ton Père partout, par ton témoignage. Afin que les gens puissent dire, je vais vous faire un témoignage. Je connais une femme dans le quartier. Il y avait plusieurs boutiques de Maliens, d'Arabes et compagnie. Elle aussi a décidé de faire son petit commerce. Et j'étais de ceux qui l'ont aidé à placer des trucs sur les étagères. Parce qu'elle est allée acheter en gros. C'était un truc d'alimentation, nourriture, des boîtes de conserve, plein de tout ce qui est alimentation. Et les magasins d'à côté, quand une boîte de sardines, je prends un exemple. Le païen d'à côté faisait la boîte de sardines à 200 francs CFA. La sœur dit non, moi j'ai acheté le carton. Quand je divise ce que j'ai donné, parce qu'elle achetait en gros, par rapport au nombre de boîtes du carton, normalement la boîte de sardines, on devrait la vendre à 90 euros, à 90 francs CFA, l'unité. Le païen d'à côté l'a fait à 200. La sœur a dit, devant nous, ça c'est du vol. Normalement, avec vu le nombre de boîtes dans le carton, et par rapport au coût du carton, si on divise par le nombre de boîtes, la sardine m'est revenue à 90 francs CFA. Mais lui le fait à 200. Moi, en tant que chrétienne, je vais faire la boîte à 100 francs CFA. Bien aimé, j'ai vu ça, c'est pas qu'on m'a dit. Les gens venaient à des kilomètres pour venir dans la boutique de cette sœur. Ils laissaient les magasins de gauche à droite pour venir. Et combien de fois les païens venaient? Quand la sœur avait la Bible et leur parlait de Jésus dans son magasin, tout le monde disait, toi, il n'y a rien à dire, tu es une vraie fille de Dieu. Tout le monde disait, toi, tu n'es pas un escroc, tu n'es pas comme les autres. Tu fais ça à 100, alors que là, à 2 mètres de chez toi, on fait ça à 200. Toi, ton Dieu, là, c'est le vrai Dieu. Tu es la vraie fille de Dieu. C'était des païens. C'était des païens qui nous disaient ça. Toi, tu es vrai, tu n'es pas là pour escroquer les gens. Toi, oui, je crois à ta foi. Tu es la vraie fille de Dieu. Tu ne voles pas les gens. Comment se fait-il que tu fais ça à 100 alors que là, le monsieur d'à côté, là, lui fait ça à 200? Ton témoignage doit amener les gens, tes actes, que Dieu ton Père soit honoré et glorifié. Mais la Bible dit, le nom de Dieu est blasphémé chez les païens à cause de votre témoignage. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, moi, je traite durement mon corps. Je supporte, je domine les désirs de ma chair. Je ne vais pas me laisser aller parce que je ne voudrais pas que je sois disqualifié du ciel à cause de ma conduite. Paul savait que ce n'est pas parce qu'on a obtenu la grâce en Jésus que nous avons la liberté de faire de nager dans le péché, de faire comme on veut. Non! Ton témoignage doit honorer ton Père. Parce que si tu es dans les saletés tout le temps, tu peux être disqualifié à cause de ta conduite, parce que tu n'honores pas ton Père. Tout simplement. C'est pourquoi faire un bon témoignage, il faut avoir un bon témoignage. Il faut honorer Dieu. Oui, il peut nous arriver de tomber dans le péché. Il n'y aura pas sur terre de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule personne qui a été sur terre qui n'est pas tombée dans le péché. Mais tous les hommes sont tombés. Si tu prends quelqu'un comme David, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Mais plusieurs fois, il est tombé dans le péché. Mais David mettait ses genoux par terre pour dire, Père, je suis tombé. Père, papa, pardonne-moi. Je sais que ce que je fais là, tu n'aimes pas. Papa, pardonne-moi. Donne-moi la force de résister la prochaine fois. C'est pourquoi, toi qui es dominé par un péché, tu as essayé par toi-même, va à genoux devant le Père. Demande au Père au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, demandez à mon Père. À mon nom, c'est à mon nom que vous demandez. Va faire la demande à mon Père, mais quand tu fais cette demande, n'oublie pas de faire la demande à mon nom. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Ne va pas faire la demande au nom de la Vierge Marie. Ne va pas faire la demande au nom de Saint Gabriel, de Saint Michel. de l'ange Michaël, va faire la demande à Dieu au nom de Jésus. Ça, c'est ce que Jésus a dit, c'est ce qui est sorti de sa bouche. Parce qu'il est le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. C'est pourquoi il faut aller à Dieu en son nom, pas en un autre nom. Parce que la Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Aucun autre nom. Seul le nom de Jésus. On est sauvé par le nom de Jésus. Parce que sur terre, aucun autre nom a été donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Seul le nom de Jésus. C'est pourquoi Satan déteste le nom de Jésus. C'est pourquoi Satan n'aime pas le nom de Jésus. Parce que c'est ce nom qui a été donné aux hommes pour que les hommes soient sauvés. Les hommes sont sauvés au nom de Jésus. C'est pourquoi Satan déteste ce nom. C'est pourquoi Satan veut remplacer le nom de Jésus par d'autres noms. Il veut remplacer ce nom par d'autres noms. Parce qu'il n'aime pas ce nom. C'est le nom qui a été donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Pas un autre nom. Et le diable cherche, à partir des faux hommes de Dieu, à remplacer ce nom par d'autres noms. Attention! C'est une ruse du diable. Jésus a dit, annoncez la bonne nouvelle. Mais eux, Satan dit, non, annoncez la loi. Attention, enfants de Dieu, ayez le discernement. Ayez le discernement. Satan pousse aux hommes d'annoncer la loi. Jésus pousse ses serviteurs à annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse.